vingança, se for adorado, esse que tem cantado, será que eu não é? Se é cigano, só se for adorado, esse que tem cantado, será que eu não é? Arc-en-ciel. On a tous quelque chose des années 80. On a tous quelque chose des années 80. Bonjour à tous, musique danse avec Nicolas sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 en couleur. Bonne écoute! Bonjour à vous toutes, voici l'heure, il est 13h30, voici donc le retour avec l'émission Mutidance comme tous les mardis après-midi. Voilà donc, on enchaîne tout simplement une autre semaine et puis donc bien j'espère que vous allez très bien et que vous avez commencé tout simplement une très bonne aussi d'écoute de ce matin. Voilà donc, et bien, sans plus tarder, on va écouter beaucoup de chansons différentes pour vous faire plaisir. Voilà donc, et bien, je vous laisse avec tout simplement France Gall. Le titre s'appelle Cézanne Pain. Et puis, juste après, qui parle avec l'amour, c'est tout simplement Sylvie Vartan. Qui raconte un peu comme la cigarette avec l'amour, c'est comme une cigarette. Voici donc eh bien, le titre de Sylvie Vartan. Lance les crayons sur les branches immobiles, les arbres font des rayons et des ombres subtiles. Silence dans la maison. Silence sur la colline, parfum qu'on devine, c'est l'odeur de saison. Mais voilà l'homme sous ce chapeau de paille, des taches plein sa blouse et sa barbe en bataille. Cézanne. Il y met sa vie, le bruit de son cœur est comme un bateau porté par sa voile. Doucement le pinceau glisse sur la toile et voilà l'homme qui croise avec ses yeux le temps d'un éclair.

Voici donc qui vient du côté de Venise avec Venise pour l'éternité avec Hervé Villard et puis juste après Michel Sardou avec son titre tout simplement Victoria. Vivaldi travesti, deux amants sous la pluie à Venise. Bambino harlequin, un parfum italien dans Venise. Du palais et regret des chansons. Carnaval dans le cœur d'un violon. Du génie, du mépris, des salons. Bonjour marquise. Musicien, baladin, bohémien, comédien de Venise. Chaque fois que l'amour s'est enfui, j'ai refait ma valise. C'est Pierrot, c'est Gina qui m'appelle. Un gondolier qui chante encore au soleil. C'est Cherbourg, c'est Paris, c'est Marseille qui se déguise. L'été commence bien, nous partons en vacances. Adina, je me marie avec Edouard. Victoria 1917, la guerre n'en finit pas. Michel a 2 ans, Édouard au chemin des dames, et je m'ennuie rue d'Amsterdam. Nous irons prendre notre linge sur la ligne sucrée, la ligne sucrée. Victoria jusqu'à 1939. L'été commence bien, nous partons en vacances. Adina, j'irai sur la tombe des doigts. Victoria 1943. La guerre n'en finit pas. Jean-Pierre a 2 ans, Michel est à Berlin. À Paris, on crève de faim. Le changement, oui, la chenille. Victoria 1968, le printemps commence bien, j'irai en vacances, à Dinard, je garderai les enfants le soir. Victoria 1978, déjà 85 ans qui sonne, je n'intéresse plus personne. Victoria 1980, je vais mourir demain et ils vont m'enterrer entre 2 rendez-vous. J'ai eu ma tête jusqu'au. pour se calmer, puis son éclat. Pour le fond des jalousies et sa flatte. Où les femmes, où le charme, vos sourires nous affirment, nous désarment. Au pédile, que nous sommes vulnérables, misérables, nous les hommes. Au pédile, très bonne journée à tous et à toutes. Merci de rester fidèles à Radio Arc-en-Ciel. Voici donc qui s'appelle tout simplement Marc Lawan avec Même Si, et puis juste après Eddie Mitchell avec Sur la route de Même Si. Thank you. face. À la place du mort, un chien loup peut jeter un regard un peu fou sur la route de Memphis. Sur la route de Memphis. Avec trois titres portugais, puis on se retrouve juste après avec tout simplement Vers Stoner. Sabes bem que eu nunca te menti, e eu até acreditei em ti, mas tu fugiste e não quiseste saber, e nem ouviste o que eu queria dizer. Fui sincero, meu amor sincero, verdadeiro, meu amor sincero. Fui sincero, amor perdido. Fui sincero, meu amor sincero, verdadeiro, meu amor sincero. Fui sincero, amor perdido. Não acreditaste e eu fiquei tão triste. Mas na verdade, alguém digno disse que eu era aquilo que não sou. Fui sincero, meu amor sincero. Verdadeiro, meu amor sincero. Fui sincero, amor para ti. Fui sincero, meu amor sincero. A quem não te quer bem, pois eu só amo a ti e mais ninguém. Volta depressa, aliviar meu coração. Não quero mais viver nesta solidão. Fui sincero, meu amor sincero. Verdadeiro, meu amor sincero. Fui sincero, amor para ti. Fui sincero, meu amor sincero. Sincero, meu amor sincero. Verdadeiro, meu amor sincero. Fui sincero, amor para ti. Fui sincero, meu amor sincero. Verdadeiro, meu amor sincero. Fui sincero, amor para ti. Tão quente, estava muita gente. Foi naquela praia quando ao longe eu te olhei e te avistei naquela toalha. A troca de um sorriso, fiquei indeciso em te ir falar, mas senti aqui calor e um grande amor que estava a começar. Era amor a nascer, como a flor, como o tempo a passar. Era amor a nascer, como o mar ver. Era um amor para não durar. É o amor de verão que trago no coração por alguns tempos. Era um amor de verão que não dura não e voa como os ventos. Tantos estes sofrimentos, destes bons momentos que não vão durar. Este amor de verão que temos no coração, mas tem que acabar. Setembro já chegou e este amor findou, temos que nos separar. Um último beijo de amor que damos com fervor antes de no carro entrar. Como o tempo a passar. Era amor a nascer, como o mar ver. É um amor para não durar. Era amor de verão que entrava no coração por alguns tempos. Era amor de verão que não dura não e voa como os ventos. Tempo a passar. Era amor a nascer, como o mar ver. É um amor para não durar. Era amor de verão que entrava no coração por alguns tempos. Era amor de verão que não dura não e voa como o vento. Era amor a nascer, como

constipation jusqu'à l'aspirine. Il y a la femme en forme qui n'a pas grandi et celle qui s'éclate tous les vendredis. Il y a la femme du monde qui reçoit en privé et celle qui se prie pour mieux s'adorer. Il y a la femme d'affaires qui peut rien offrir et puis celle qui sort mais pour le plaisir. La femme qui danse sur les notes de ma vie. Donnez-moi la femme qui danse sur les crembles de mes nuits. Je voudrais la femme qui danse, je la veux dans sa folie. Donnez-moi la femme qui danse, et si je me veux, tant pis. La femme qui danse. Y a la femme fatale, fatalement passion, et celle qui fantasme tout en bas nylon. La femme amoureuse, demain plus qu'hier, celle qui voudrait mais n'ose pas le faire. Y a la femme mannequin qui donne tout ce qu'elle a, et puis y a la snob, j'en prendrai deux doigts. La femme au foyer qui brûle sans flamber, et puis celle qui flambe juste pour jouer. La femme qui danse sur les notes de ma vie. Donnez-moi la femme qui danse sur les crembles de mes nuits. Donnez-moi la femme qui danse, je la veux dans sa folie. Donnez-moi la femme qui danse, et si je me brûle, tant pis. Y a la femme pressée, celle du troisième type, et celle qui s'en veut d'avoir des principes. Y a la femme de tête qui aime par calcul, et celle qui s'en fout de toute façon c'est nul. L'abordage, et celle qui apporte un droit de péage. La femme libérée sans aucun complexe, et celle dont l'amour tient dans un Kleenex. Y'a la femme objet qu'on met en vitrine, et celle qui patiente jusqu'à de l'aspirine. Y'a la femme enfant qui n'a pas grandi, et celle qui s'éclate tous les vendredis. La femme qui danse sur les notes de ma vie. Donnez-moi la femme qui danse sur les crembles de mes nuits. Je voudrais la femme qui danse, je la veux dans sa folie. Donnez-moi la femme qui danse, et si je me brûle, tant pis. La femme qui danse. Après tout simplement Valérie, François Valérie, voici donc Annie Cordy avec tout simplement Chaud K.O. Et puis juste après Mireille Mathieu.

sentiers pour marcher, pour danser. Mais la plus belle chose qu'elle ait pu me donner dans le fond, c'est à peine si j'ose le dire, c'est mon papayou, papayou, papayou, papayou, lélé. J'ai le plus beau des papayou, lélé, qu'on ait vécu des années. Papayou, papayou, papayou, papayou, lélé. Ma mère me disait, faut pas le montrer, ça ferait des jaloux dans le quartier. Ça ferait plein de jaloux qui n'en ont pas du tout, ça ferait plein d'envieux qui n'en ont pas chez eux, ça ferait plein de méchants qu'on n'en a pas aussi grand, ils vont pas le montrer du tout. Oh sur l'institutrice me dit, mais que t'as grandi. Je réponds sans malice, mais mon papayou est grandi lui aussi. Elle me dit, je suppose que c'est une plaisanterie, mais en voyant la chose, elle pousse un cri. Oh papayou, papayou, papayou, papayou, lélé. C'est le plus bon des papayou, lélé, que j'ai vu depuis des années. Papayou, papayou, papayou, papayou, lélé. Garde-le pour moi, ne le montre pas. Ça ferait des jaloux dans le quartier. Ça ferait plein de jaloux qui n'en ont pas du tout. Ça ferait plein d'envieux qui n'en ont pas chez eux. Ça ferait plein de méchants qu'on n'en pas de si grands. Ça ferait plein de badauds qu'on rien vu d'aussi beau, mais qui tiraient partout. C'est d'un drôle de joujou, il faut pas le montrer du tout, non. Colle un maya, une fille aux yeux bandés, le découvrant par hasard, me disent que c'est, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est. Et depuis au village, toutes les filles de la région me demandent en mariage pour avoir mon papayou, papayou, papayou, papayou, lélé. J'ai le plus beau des papayou, lélé, qu'on ait vu depuis des années. Papayou, papayou, papayou, papayou, lélé. Me disait, faut pas le montrer, ça ferait des jaloux dans le quartier. Papayou, papayou, papayou, papayou, lélé. J'ai le plus beau des papayou, lélé, qu'on ait vu depuis des années. Papayou, papayou, papayou, papayou, lélé. Ma mère me disait, faut pas le montrer, ça ferait des jaloux dans le quartier. Papayou, papayou, papayou, papayou, lélé. J'ai le plus beau des papayou, lélé, qu'on ait vu depuis des années. Papayou, papayou. Arc-en-ciel. Bonjour à tous, musique danse avec Nicolas sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 en couleur. Bonne écoute. Voici donc le groupe Gold avec plus près des étoiles et après Sabrina, trois fois Boy. Thank you. Summertime love and summertime love. Boys. Summertime love, summertime love and summertime love. Boys. voilà pour après, Regina. Voici donc Lionel Richie, Say You, Say Me. Et puis juste après, Julien Clerc, Mélissa. Dites jamais que je vous ai dit ça, ou Mélissa. invité chez les gens. Écrivez bien entendu, y a jamais d'argent. Écris si tu t'en perdu, personne ne l'entend. La police est tout dévendue, disant qu'elle attend. Mélissa Médis dit Bissa a toujours sa vertu. Dites jamais que je vous ai dit ça, vous Mélissa me tue. Je vous ai jamais vu. Le matin derrière ces canis, alors je vends des longues vues. Mais si jamais Mélissa c'est ça, là c'est moi qui vous tue.

tu veux de lui, prends-le, il est à toi. Mes lèvres n'ont plus dit je t'aime. Depuis tant de jours, elles retirent pour toi. Ces mots, ces mots. Ma tristesse, du sourire de ta jeunesse, si tu veux. Enfin, vois-tu, je m'éveille, j'ouvre les yeux sur la vie et sur toi. Et si je te dis je t'aime, tu es la première en jetant. Cadence et décadence, robot, rebelle, m'adonne des décibels. De grands yeux métal, comme un ciel sans étoiles. De scotch, un rock, on parle, on vit, on danse. Super gadget de discothèque qui danse. Une petite kitchenette et un balcon, poster de Jane Fonda sur le mur, des poupées sur le lit. Je n'ai rien demandé, tu m'apportes un whisky. Tu pars, tu reviens, baignoire de bain romantique. On fait pour l'amour trop tôt. De tout, de toi, de l'avenir. Tu caches ta peur derrière ton rire. Oui, tu es belle comme le désir, désiré. Comme je t'aimerais si tu savais pleurer. Arc-en-Ciel. On a tous quelque chose des années 80. On a tous quelque chose des années 80. Arc-en-Ciel, c'est le plaisir de la musique. Arc-en-Ciel, c'est le bonheur, tout en couleurs. Avec Cambodia, et puis donc voici Tina Arena, aimée jusqu'à l'impossible. Je n'ai connu qu'une histoire d'amour. Cet homme m'a promis de toujours, et puis s'est enfoui. C'est la couleur de l'enfer quand les mensonges salissent tout. possible. Simplement pour te créer et pour te regarder. Arc-en-ciel. La grille des programmes pour aujourd'hui ainsi que pour demain mercredi. Voilà donc, eh bien, partir ce soir à partir de 19h jusqu'à 21h, vous allez retrouver Christophe pour l'émission Electric Choc. Et puis demain, on sera déjà mercredi. Et puis le matin, vous allez retrouver Victor à partir de 9h jusqu'à midi avec Portugal en fait. Et puis donc dans l'après-midi, 14h, 16h, avec Gloria, avec la musique tout simplement, avec Gloria. Et puis juste après, entre 16h et 17h, l'émission tout simplement Zik d'ailleurs. Tout simplement, à partir de 18h jusqu'à 19h30, vous allez retrouver Violette pour l'émission traditionnelle. Et puis juste après, entre 19h30 jusqu'à 21h, avec Christina pour l'émission pour fleurs de fourriture. Fourrure. Et puis pour le jeudi matin, 9h jusqu'à midi, avec Amer Giraud. Vase de Portugal. Voilà donc, eh bien, la grille des programmes, tout simplement. Donc, voilà, on va continuer, bien sûr, les chansons. Et voici donc Catherine Lara avec Nuit Magique. Et puis juste après, Frédéric François. Yeah. me souviens, c'est pas tellement loin. Au cinéma, l'étoile, on embrassait les filles du quartier. Quand s'éteignait la salle, l'une d'entre elles, belle comme un soleil, a mis mon cœur en larmes. Elle m'a souri, son cœur m'a dit oui, et j'en ai fait ma femme, une femme pour toute la vie. D'avance, que d'émotion, j'étais papillon. Elle a brûlé mes ailes, j'ai comme un doute, je les voulais toutes, et je ne veux plus qu'elle. Une femme pour toute la vie.

Et puis après, Franck Michael, on a joué, on a perdu. façon d'être, tes moindres gestes, j'ai de su t'aimer. Ta mise en scène, on devait même partir en tournée.

Enfin, je vous laisse avec quelques chansons portugaises. Amigos meus, mas Morro do Dendê também é terra de Deus. Voici donc Asia, le titre Elle est à toi, et puis suivi de Bonnie Tyler.